C'est tout Jeep. Dino Kadhafi. Yeah. Doté d'une éducation, sans repère, sans chef, issu d'une famille moyenne dans une banlieue de Kiev. Petite Monique s'est faite bouffer par le chétan, c'est une mort lente, se faire traiter comme du bétail. Une mauvaise rencontre l'a fait basculer, depuis ce jour son amour fut émasculé. Victime des plaisirs masculins et des hors-la-loi, ont pris ses affaires et son passeport pour qu'elle ne parle pas. Marqué au fer rouge, amère friandise, puis un viol collectif pour tester la marchandise. À ce que les gens disent, quand on y entre on n'en sort plus. Elle a oublié son nom tellement elle n'en peut plus. C'est passe après passe, et crasse sur crasse. Les clients sont des porcs, faudra qu'elle s'y fasse. On trouvera sa carcasse dans un entrepôt, toute blême, toute sèche, rongée par l'héros. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, it's just a tragedy. Live fast, I am so brutally. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, another history. Her heart stopped beating so easily. I look into your eyes, and all I see is that grown up pretty scars inside your chest. Little girl got props at home, daddy started touching, mommy left alone. No one there, life gets a daily struggle. Monique started drinking liquor, no one sees her fumble. Pain comes with 13 years, bloody tears ran down from her face of tears. Homeless, cold stone, touch her tainted skin. Only God knows where she's been, she's looking thin. Life's a sin, blowing daily for crack. Having sex with old man, crushed her broken neck. 17 years young and no way to go. Broken dreams of a girl who's died slow. There's a cross, nameless above the grave. The new home of a society slave. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, it's just a tragedy. Live fast, I am so brutally. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, another history. Her heart stopped beating so easily. Elle était si belle, si simple, intelligente, une vie magnifique, toujours souriante. À cette époque, qui aurait cru à sa descente, plus bas que l'enfer, viens que je te la présente. Une famille riche, elle habite dans les beaux quartiers. Ses fringues portent le nom de Gucci et Cartier. Écartée, elle était de ses parents, car ceux-ci confondent les sentiments et l'argent. Gentiment, toute sa vie commence à changer. Cette fille fabuleuse ne craint plus les dangers. Chaque soir, une autre histoire sur un trottoir. Elle danse son corps pour l'amour qu'elle aimerait avoir. Mais ce qu'elle a, c'est une rencontre diabolique avec la mort. Et son nom c'était Monique. Deux jours après elle fait la une des infos. C'était pas une pute, c'était une info. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, it's just a tragedy. Live fast, I am so brutally. Petite Monique, une histoire tragique dans un classeur. Monique, pourrait être ta mère ou ta sœur. Little Monique, another history. Her heart stopped beating so easily.